sous le jardin d'Éden que je promène ma bedaine. Je suis un lombric solitaire qui choque à fuir la lumière. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mon travail est salopé par la nourriture polée de mon intestin infecté. Sort de l'humus relaté. Je me sens comme un ver de terre perdu au large en pleine mer. Dans la bouche le goût amer. Il vit toujours terre à terre. On ne m'a pas pourvu d'elle pour m'élever à l'infini. Moi je n'ai pas mon pareil à scruter le ciel de nuit. Si un pêcheur me tire de là et me pique un hameçon, ce sera sûrement trépas, dévoré par un poisson. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tant pis pour ce vertébré, même s'il n'a rien demandé, on pourra tous deux crever, unis dans le sang mêlé. Je me sens comme un ver de terre, perdu au large, en pleine mer. Dans la bouche, le goût amer, il vit toujours terre à terre. Un merle veut me débusquer, avec son bec acéré. Il a beau taper du pied, rien ne peut me faire remonter. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bienheureux les jardiniers, malgré les coups de loucher, eux pensent à me protéger pour cultiver des navets. Je me sens comme un ver de terre perdu au large en pleine mer. Dans la bouche le goût amer, il vit toujours terre à terre. On ne m'a pas pourvu d'elle pour m'élever à l'infini. Moi je n'ai pas mon pareil à scruter le ciel de nuit. Dans cette galerie enterrée, j'aimerais être souterrain. Dans une lumière tamisée, on vivra ensemble de rien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. À deux sous six pieds de terre, on peut encore respirer. Croquer de bonnes pommes de terre, c'est très bon pour la santé. Je me sens comme un ver de terre, perdu au large, en pleine mer. Dans la bouche, le goût amer, il vit toujours terre à terre. Je suis un ver de terre.